Il est 2h du matin et je suis seul, un peu comme d'habitude. Je marche dans la nuit comme pour atteindre un but inaccessible. J'ai froid et je regarde le temps passer dans cette ville de désespérés. Je cherche un bar pour finir la nuit, pour passer mon ennui. Peut-être trouverai-je un peu d'amour. Non, tout est fermé. J'ai plus qu'à aller me coucher. Mais je ne crois plus en rien. Sans doute que ma vie est un ennui. J'ai le cœur qui a mal de ce destin. Pourtant je ne manque de rien. Je pense à demain. Mais qu'est-ce qui me ferait du bien? Pourquoi je n'arrive pas à vivre enfin? Dans mon appartement, tout est calme et tranquille. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense à mon enfance. Ne peut-on pas revenir en arrière? Ai-je tout bien fait dans ma vie? Le temps passe et je fatigue, mais je ne veux pas me coucher. Pas seul, face à cette routine. Je cherche une réponse, sans même connaître la question. Mais je ne crois plus à rien. Sans doute que ma vie est un ennui. J'ai le cœur qui a mal de ce destin. Pourtant je ne manque de rien. Oh, je pense à demain. Mais qu'est-ce qui me ferait du bien? Pourquoi je n'arrive pas à vivre enfin ?